بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. On a donc abordé le premier point parmi les trois points fondamentaux mentionnés par le Cheikh de l'Islam Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Il a dit donc dans la suite, le deuxième est que la plus importante des choses avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam, que rien ni personne ne soit associé à Allah dans son adoration. Pour preuve les paroles du Très-Haut, wa anna al-masajid lillah fala tad'u ma'a Allah ahada. Les masjids sont voués à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Sourate al-Jin, le verset numéro 18. Et ici, on a laissé le mot masjid en arabe, et on va expliquer pourquoi, incha'Allah ta'ala. L'explication de ce passage, elle se fait également par le fait d'aborder plusieurs points. Le premier de ces points-là est lié à la parole de l'auteur, rahimahullah ta'ala. Le deuxième, c'est-à-dire le deuxième point, est que la plus importante des choses avec laquelle est venu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on va mentionner, ce qu'on a mentionné, ce qu'on va mentionner donc plus tard. Tu vois ici donc que l'importance du tawhid est évidente. Et également que c'est là la première des obligations, étant donné que c'est le tawhid qui va être mentionné. Comme nous l'avons vu, que rien ni personne ne soit associé à Allah dans son adoration. La première des obligations, c'est donc que tu attestes de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tu reconnaisses, que tu aies la conviction de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quoi ? Dans ce qu'on appelle al-rububiyya, dans sa seigneurie. À savoir le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique à créer, à donner la vie, à donner la mort, à accorder la subsistance et à diriger l'ensemble de sa création. Également, dans le fait que tu affirmes l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs, en ayant la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique à être caractérisé par les plus bons noms et attributs. Allah subhanahu wa ta'ala a dit wa inna وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Et à Allah appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le donc avec ses noms. Et la troisième branche du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est liée au fait qu'en plus d'avoir cette conviction-là qu'on a mentionnée, c'est que tu unifies Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration. Dans le sens que tu n'adores que lui, subhanahu wa ta'ala. Cela ne signifie en rien, comme certaines personnes pourraient le comprendre, que tu considères au préalable qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit éparpillé et qu'ensuite toi tu viennes l'unifier. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a utilisé ce terme at-tawhid, comme on va le voir, notamment lorsqu'il a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour prêcher les Yéménites à l'islam, en lui disant, tu vas te présenter auprès d'un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit donc qu'ils unifient Allah, an yuwahhidu Allah. Donc le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait utilisé ce terme-là, ça prouve bien qu'en vérité, ce n'est pas, ça n'implique pas le fait, au préalable, d'avoir considéré qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit éparpillé. Non. Mais ça montre bien que ce qui est voulu ici, c'est le fait que la personne, elle voue uniquement son adoration à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la première des obligations. La première des obligations qu'il incombe à l'être humain, ce n'est pas l'observation, comme certains ont pu le dire. La première des obligations, selon certaines personnes, notamment les philosophes, c'est l'observation, que tu observes. Et encore moins le doute. Certaines personnes ont dit, la première des obligations, c'est que tu doutes. Pour qu'ensuite, après avoir douté, donc tu en viennes à la certitude. Comme l'ont dit certains ulama, en vérité, ces gens-là, au final, c'est comme s'ils avaient rendu obligatoire aux gens de mécroire avant de croire. Comme si donc ils les avaient poussés et invités à la mécréance. Étant donné que le doute vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala est une forme de mécréance. Or, la première des obligations, il incombe à l'être humain de respecter, c'est celle qui est liée à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et au fait d'affirmer cela, de le proclamer, et de n'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. Et le hadith que l'on vient de citer, rapporté par Al-Bukhari et Muslim, rapporté donc par Ibn Abbas, qui relate le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est envoyé, Mu'ad ibn Jabal, au Yémen, il prouve cette chose-là. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, tu vas te présenter auprès d'un peuple parmi les gens du livre. Que la première chose à laquelle tu les appelles soit donc, La ilaha illallah. Nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah. Et dans une version du hadith, qui est celle que j'ai mentionnée précédemment, qu'ils unifient Allah. Ce qui te montre bien que c'est là la première des obligations qu'il incombe de respecter. Et c'est d'ailleurs là la sagesse qui réside dans la création des djinns et des hommes, et celle qui réside dans la création donc des djinns, na'am, et des hommes. Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et afin d'arriver à cette chose-là, il a créé 7 cieux et autant de terres. Comme il a dit, subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahun, yatanazzalu al-amru baynahun, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah est celui qui a créé 7 cieux et autant de terres. Entre elles, son ordre circule. Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et que sa science englobe toutes choses. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les djinns et les hommes pour quelle sagesse? Pour qu'ils l'adorent. Et il a créé les cieux et autant de terre afin que nous sachions qu'il est puissant sur toute chose, qu'il est omnipotent et que sa science embrasse toute chose. Ce qui te fait arriver donc à la conclusion qu'Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. Et cette perfection-là te montre que c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, ce qui te mène à la première sagesse qu'on a mentionnée, comprise dans le verset de sourate al-Dhariyat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est là justement le message de tous les envoyés. Tous les messagers ont été envoyés avec ce message-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire, adorez Allah et écartez-vous du taghout. At-taghout, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains ulama ont rajouté, tout en cautionnant cette chose-là afin d'exclure ce qui serait adoré en dehors d'Allah, sans le cautionner. C'est ainsi qu'il ne serait pas appelé Tarout. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَجَتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager afin de leur dire, adorez Allah et écartez-vous du Tarout, donc tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est donc là la première des obligations. C'est donc là la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Afin que l'on saisisse cela, il a créé les cieux et autant de terre, afin que nous prenions conscience de sa perfection, ce qui nous mène à savoir que c'est lui le seul qui mérite d'être adoré, subhanahu wa ta'ala, Et c'est là le message de l'ensemble des envoyés, comme nous venons de le voir à travers ce verset coranique. Le deuxième point relatif à l'explication de ce second passage, il est lié à la suite lorsque l'auteur a dit, rahimahullah, que rien ni personne ne soit associé à Allah dans son adoration. Et c'est là l'inverse du tawhid, c'est-à-dire le polythéisme. Le tawhid, on l'a expliqué de manière relativement développée précédemment. En résumé, le tawhid, comme l'a défini l'auteur lui-même dans un autre livre, il a dit c'est ifradullah bil ibadah, c'est le fait que tu unifies Allah dans son adoration. Son inverse, c'est le shirk, le polythéisme, qui consiste à adorer Allah, excusez-moi, à adorer autre qu'Allah avec Allah. C'est l'inverse du monothéisme, c'est l'inverse du tawhid, c'est l'inverse de l'unicité. Et il est impératif que tu connaisses ces deux choses-là. La première, le tawhid, l'unicité, afin que tu puisses la concrétiser. Et la seconde, le polythéisme, le shirk, afin que tu puisses l'éviter. والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. Et une chose, elle est bien comprise par son contraire, et c'est par leur contraire et leur inverse que les choses sont bien assimilées. Hudhayfa, le noble compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, disait, les gens questionnaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à propos du bien. Quant à moi, je le questionnais à propos du mal, par crainte qu'il ne m'atteigne. Donc il est important que tu connaisses le tawhid, mais que tu connaisses également le shirk, le polythéisme, afin que tu puisses t'en écarter et en être épargné. Et il faut que tu saches que de la même manière que le tawhid, il a trois branches, tawhid dans al-rububiyya, la seigneurie, et on l'a expliqué, tawhid dans l'asma wa sifat, les noms et les attributs, et on l'a brièvement expliqué, le tawhid dans l'adoration, et on l'a également brièvement expliqué, eh bien le shirk, le polythéisme, également il se manifeste dans ces trois domaines-là. Le polythéisme dans la seigneurie, qui consiste en ce que la personne considère qu'il y ait d'autres créateurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'elle considère qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde la subsistance, ou qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait la capacité, le pouvoir de donner la vie, de donner la mort, ou qu'elle considère qu'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dirige, gère ou administre tout ce qui est lié à la création, c'est là du polythéisme dans al-rububiyya, la seigneurie. Également, tu peux avoir du polythéisme qui se manifeste dans les noms et attributs. Et tu peux avoir du polythéisme qui se manifeste dans l'adoration. Lorsqu'une personne adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a donc dit que rien ni personne ne soit associé à Allah dans son adoration. Et on a dit que cela se résumait donc dans ce que l'on appelle shirk, le polythéisme. Et l'auteur, il a abordé ici le principe d'adoration. L'adoration, elle a été définie par les ulama, notamment le shir de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans son livre Al-Ubudiyya, comme étant un nom général, ismun jami' li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wa al-af'al al-zahira wa al-batina. C'est un nom générique qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme paroles et actes, apparents ou cachés. Ibn Taymiyyah de continuer en citant des exemples. Et comme on dit, bil mithal yattadihul maqal. C'est avec un exemple, ou avec les exemples, que les propos sont bien compris et assimilés. Il disait donc, la prière, l'aumône obligatoire, le jeûne, le pèlerinage, la véracité dans les propos, la fidélité aux engagements ou aux dépôts, la bonté envers les parents, l'entretien des liens de parenté, le respect des engagements, le commandement de ce qui est convenable, l'interdiction et la réprobation de ce qui est blâmable. Et il a également cité par la suite la bonté et la bienfaisance envers le voisin, envers l'orphelin, envers le pauvre, envers la personne captive, qu'elle fasse partie des êtres humains ou qu'elle fasse partie des bêtes. C'est important donc d'être bienfaisant envers eux, et cela fait partie de l'adoration. De même que dans un autre registre, l'invocation, l'évocation d'Allah, la lecture, et ainsi de suite, donc parmi les exemples d'adoration. Ces exemples-là qui sont cités, afin de te montrer que le principe de l'adoration, c'est un principe qui est très vaste. Et tu comprends à partir des propos du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'il ne se limite pas, comme certains pourraient le penser, au pilier de l'islam. Car cette restriction-là et cette compréhension-là restrictive, elle peut mener à de graves dérives. Car si la personne, elle considère que l'adoration, ça se limite au seul pilier de l'islam, elle va être amenée à penser que tout ce que l'on vient de citer, et qu'on va, on va continuer à citer des exemples, ne fait pas forcément partie de l'adoration. Elle va peut-être par la suite être amenée à penser qu'il n'y a pas de mal à vouer ces choses-là à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui la ferait tomber dans le polythéisme. Qu'Allah nous en préserve. Ibn Taymiyyah rahimahullah de continuer en disant, et également l'amour d'Allah et de son messager, la peur d'Allah, le fait de revenir repentant vers lui, le fait de faire preuve de sincérité vis-à-vis de lui, le fait d'être endurant face à ses décrets, d'être reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits qu'il accorde, et également d'agréer ses décrets, de s'en remettre entièrement à lui, d'espérer sa miséricorde, de craindre son châtiment, tout cela sont également des exemples d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce étant donné que l'adoration qui est vouée à Allah, l'adoration doit être impérativement vouée à Allah, c'est le but qui est aimé et agréé d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour lequel il a créé l'ensemble de la création, pour lequel il a créé donc la création, étant donné qu'il a dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et c'est pour cela qu'il a envoyé l'ensemble de ses messagers, étant donné qu'il a dit ta'ala, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُ اللَّهِ وَجَتَنِبُ الطَّاغُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهِ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةِ. Et nous avons suscité dans chaque communauté un messager afin de leur dire, adorez Allah et écartez-vous du tarout. On a expliqué brièvement ce qu'était le tarout. Parmi eux, il en est qu'Allah a guidé et d'autres qui méritent réellement l'égarement. Et il a également dit subhanahu wa ta'ala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ. Et nous n'avons suscité avant toi aucun messager sans lui avoir révélé qu'il n'y a nul Dieu qui ne mérite d'être adoré si ce n'est moi. Adorez-moi, adorez-moi donc. Et c'est ainsi que se terminent donc les propos du cheikh de l'islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans Majmou' al-Fatawa. Et c'est donc une explication illustré par des exemples qui te permet de comprendre le sens de l'adoration et également la portée de ce noble principe-là qui est la sagesse pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les djinns et les hommes. Et il faut savoir également, et c'est là une parenthèse importante et utile, c'est que certains actes peuvent à la base être uniquement permis et ne pas relever forcément donc du domaine de l'adoration à la base. Le fait de manger, le fait de boire, d'entretenir des rapports charnels, et ainsi de suite. Mais par l'intention, ils peuvent devenir des adorations. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté par l'imam muslim d'après Abu Dhar, Allah l'agré, il a répondu à des compagnons qui lui ont dit, les riches sont partis avec les récompenses. Ils prient comme nous prions. Et ils font des aumônes. Et plutôt, excusez-moi, ils prient comme nous prions. Ils jeûnent comme nous jeûnons. Mais ils ont la possibilité de donner en aumône le surplus de leur richesse. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam leur a alors dit: Allah subhanahu wa ta'ala n'a-t-il pas mis à votre disposition ce de quoi vous pouvez également faire l'aumône? N'y a-t-il pas dans chaque proclamation de la grandeur d'Allah une aumône? N'y a-t-il pas dans chaque proclamation de la louange à Allah une aumône? Et dans la proclamation de l'unicité d'Allah une aumône? Et dans la proclamation de la pureté d'Allah et dans sa glorification une aumône? Et dans les rapports charnels une aumône? Et les compagnons alors présents de répondre: au messager d'Allah, l'un de nous assouvirait-il son désir et obtiendrait-il en plus de cela une récompense? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: voyez-vous, s'il l'avait assouvi dans l'illicite, n'aurait-il pas mérité une punition? De même, s'il l'assouvit dans ce qui est licite, alors il mérite la récompense. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, a dit dans son explication du recueil authentique de l'imam Muslim, rahimahullah, ce hadith est la preuve que les actes permis, c'est-à-dire à la base, deviennent des actes d'obéissance s'ils sont motivés par des intentions pieuses. Le fait d'entretenir des rapports sexuels est donc une adoration si l'homme a l'intention de donner son droit à son épouse et de se comporter avec elle d'une manière convenable, comme Allah l'a légiféré, ou de chercher par cela un enfant pieux, ou de préserver sa chasteté et celle de son épouse, et d'ainsi s'empêcher de regarder ce qui est interdit, ou d'y penser, et d'en être soucieux, ou être parmi les finalités qui peuvent être recherchées par ce genre d'acte-là. Donc tu vois, à partir de ce hadith et de l'explication qu'en a donné l'érudit al-Nawawi rahimahullah ta'ala, qu'un acte à la base peut être uniquement permis, mais devenir une adoration selon l'intention qui a motivé cet acte-là. Et cela donc nous pousse, lorsque nous le saisissons, à chercher à plaire à Allah dans chacune des initiatives que nous entreprenons. Quand tu manges, cherche donc à avoir l'intention de prendre des forces pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour accomplir les obligations et te charger de la responsabilité qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a chargé vis-à-vis de ta famille et de ceux qui sont à ta charge. Si chaque fois tu fais attention à ton intention, tu peux faire des actes qui sont uniquement permis et qui relèvent au final de la routine et de l'habitude, des adorations à part entière. Et c'est donc quelque chose de très important afin que tu puisses atteindre la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les salafs disaient et faisaient une comparaison entre les gens insouciants et ceux qui sont éveillés. Ils disaient: les adorations des gens insouciants ne deviennent au final que des habitudes. Personne ne prie, elle fait le jeûne du mois de Ramadan par exemple, uniquement par habitude, parce qu'elle ne fait pas bien attention à son intention et à ce qui motive son acte. Alors que la personne qui est éveillée, même les actes de la vie de tous les jours, il peut en faire des adorations. Et ce, du fait de la noble intention qu'il a lorsqu'il œuvre et qu'il accomplit ces choses qui, à la base, ne sont que des choses habituelles. Et la sincérité, c'est une des causes majeures de la réussite de cette communauté. Il est donc important d'accorder toute son importance à la sincérité. Le fait que tu vises par tes actes l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa récompense dans l'au-delà. Troisième point relatif à l'explication de ce passage-là, c'est lorsque l'auteur a dit pour preuve les paroles du Très-Haut. Et il a cité donc le verset: wa anna al-masajida lillah فَلَا تَدْعُوا مَا اللَّهِ أَحَدًا. Les masjids sont voués à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah. Ici, donc à nouveau, l'auteur donc accorde toute son importance à la preuve et au fait de lier les enseignements qu'il propose à la communauté aux preuves tirées du Coran et de la Sunna. C'est là donc une manière d'éduquer le lecteur à rechercher la preuve. Et il a donc cité le verset que vous venez d'entendre de Sourate al-Jinn. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Al-Masajid, qu'est-ce qui est voulu par le terme Masajid? 4 explications ont été avancées par les ulama. Parmi donc les sens du terme Masajid, tu as les mosquées, c'est-à-dire les bâtisses qui ont été construites pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme c'est le cas, inshallah, de cet édifice. Également, ça peut viser les membres de la prosternation. Ceux qui ont notamment été mentionnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith authentique rapporté par Ibn Abbas, qui relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il m'a été ordonné de me prosterner sur 7 membres. Et ensuite, il a montré donc son front, c'est que son nez, et il a montré donc ses mains, ses genoux, et également donc les extrémités de ses pieds. Ce sont donc là les membres de la prosternation, ce qui également est compris dans le sens du terme masajid. Également, le terme masajid, il peut désigner les différentes parties de la terre, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa ju'ilat li al-ardu masjida. Et pour moi, la terre a été considérée comme, la terre tout entière a été considérée comme un lieu de prière. Et également, le terme masajid, il peut désigner les prosternations. Donc il peut avoir ces 4 sens-là, et ces 4 sens-là sont valides dans l'explication de ce terme, dans ce verset. Et tous ces sens, en vérité, sont liés. Toutes ces significations-là sont liées. Pourquoi? Car il est demandé à l'individu d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans chacune de ses prosternations. Prosternation, donc, à la retrouver dans la 4e signification du terme masajid qu'on a abordé à l'instant. Que cela soit dans les mosquées, c'était là la première des significations, ou autre endroit, parmi les lieux donc présents sur terre, sur lesquels il est permis de se prosterner. Et c'était là la 3e signification. Donc tous les membres de la prosternation doivent être dirigés, et dans le sens de vouer, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu retrouves donc ces 4 significations-là, qui ont été mentionnées par les ulama des premières générations de l'islam, ils se retrouvent et ils sont liés. Il y a donc un lien fort entre les différents sens qui ont été avancés ici par les ulama, rahimahumullahu jami'an, qu'Allah leur fasse à tous ample miséricorde. Et c'est ainsi donc que nous avons abordé de manière brève le second point parmi les points qui ont été abordés par l'auteur, le cheikh de l'islam, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Le troisième point, il est dit, le troisième, et qu'il n'est pas permis à celui qui atteste de l'unicité d'Allah et qui adore Allah d'être l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou des membres de leur tribu. Pour preuve, les paroles du Très-Haut: La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Tu ne trouveras personne parmi les gens qui croient à Allah et au jour dernier, qui témoignent de l'affection à ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les membres de leur tribu. Dans les cœurs de ceux-là, il a inscrit la foi et il les a aidés de son secours. Il les fera entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah est satisfait d'eux et ils sont satisfaits de lui. Cela forme le parti d'Allah, assurément le parti d'Allah et celui de ceux qui réussissent. Et c'est ainsi donc que se terminent les propos de l'auteur. Qu'Allah nous fasse miséricorde dans ce livret résumé qu'il a écrit. Référence est faite ici au second point que nous avons vu, que je rappelle brièvement. Il a dit le deuxième est que la plus importante des choses avec laquelle est venu le messager, que rien ni personne ne soit associé à Allah dans son adoration. Et ici l'auteur, qu'est-ce qu'il a dit? Le troisième est qu'il n'est pas permis à celui qui atteste de l'unicité d'Allah et qui adore Allah d'être l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Donc ça fait référence à la concrétisation du second point. Celui qui a concrétisé le second point, eh bien qu'il sache qu'il doit également concrétiser un troisième point, à savoir le point qu'il a mentionné ici, que nous venons de lire, et que nous allons essayer d'expliquer, incha'Allah ta'ala. Dans un autre passage des livres de l'auteur, que vous connaissez donc, pour la plupart, qui s'intitule « Thalathat al-usul », les termes diffèrent quelque peu. En effet, il a dit, au lieu de dire « le troisième est qu'il n'est pas permis à celui qui atteste de l'unicité d'Allah et qui adore Allah d'être l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et son messager », mais il a plutôt dit « le troisième, c'est que celui qui a obéi au messager et unifié Allah ne doit pas être l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et son messager. » La différence, c'est qu'ici, il renvoie également à la concrétisation du premier point. Et ce, lorsqu'il a dit, celui qui obéit au messager. Et on avait vu donc qu'entre autres, il y a le principe d'obéissance au messager qui est mentionné dans le premier point. Mais donc ici, dans le livret que nous sommes en train de lire, il a fait référence uniquement au second point que nous avons pu lire et aborder brièvement en l'expliquant. Et il a dit d'être l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et son messager. C'est donc ici le principe connu de Al-Wala ou Al-Bara qui est abordé, à savoir donc l'alliance et le désaveu. Et pour expliquer cela, on va aborder le sens de Al-Wala, l'alliance, et de Al-Bara, le désaveu, en termes linguistiques. Il faut savoir que Al-Wala, l'alliance, traduit donc par l'alliance dans une traduction approximative, on dit que c'est l'alliance. Al-Wala, dans la langue arabe à la base, ça signifie la proximité, que tu s'approches donc d'une chose. Tandis qu'Al-Bara, ça signifie l'éloignement. Et on l'a traduit donc approximativement par le désaveu. La base donc de ces deux termes-là dans la langue arabe, c'est quoi? C'est premièrement la proximité, quand tu parles donc de Al-Wala, et deuxièmement l'éloignement quand tu parles de Al-Bara. Et c'est donc deux principes qui vont ensemble. Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu. On va parler ici de l'alliance, étant donné que l'auteur a dit qu'il ne lui est pas permis d'être l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et son messager. Il faut que tu saches que l'alliance, dans son sens religieux, elle est de deux types. L'alliance, dans son sens religieux, elle est de deux types, de deux sortes. Et avant cela, il faut que tu saches que les gens, vis-à-vis de l'alliance et du désaveu, ils sont de trois sortes. Premièrement, il y a ceux auxquels tu te dois d'être allié de manière totale. Et ce sont là donc les prophètes, les messagers, les pieux serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, il y a ceux de qui tu dois totalement te désavouer. Et ce sont ceux donc qui s'opposent à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager sallallahu alayhi wa sallam en faisant preuve de mécréance ou de polythéisme et en n'adhérant pas au message du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il y a un troisième type de personne avec qui tu vas t'allier dans un certain sens et de qui tu vas, dans un certain sens, te désavouer également, et ce sont là les désobéissants parmi les croyants, qui sont croyants et auxquels tu te dois donc de t'allier, mais qui également commettent certains actes de désobéissance et desquels tu dois donc te désavouer vis-à-vis donc des actes de désobéissance qu'ils accomplissent. Donc tu dois retenir ces trois types de personnes par rapport donc à la question de l'alliance et du désaveu. On revient donc à l'alliance. Étant donné qu'on a parlé donc que parmi les gens, il en est de qui tu dois te désavouer et auquel tu ne dois pas être allié. Et ça rejoint donc les propos de l'auteur lorsqu'il a dit « Il n'est pas permis à celui qui atteste de l'unicité d'Allah et qui adore Allah d'être l'allié de ceux qui s'opposent à Allah et son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les membres de leur tribu. » Il faut savoir que l'alliance avec les mécréants, elle est de deux sortes. Une alliance qui est liée à l'amour de la voie qu'ils suivent, à l'amour de leur croyance, à l'amour de leur dogme, et qui mène donc à être réjoui par le fait ou à l'idée qu'ils prennent le dessus sur les musulmans par exemple, ou que les musulmans soient vaincus par les mécréants, du fait donc qu'il y ait dans le cœur un certain amour pour la voix de ces mécréants-là et pour leur croyance. Et ce type d'alliance-là, c'est une alliance qui fait sortir de l'islam, étant donné qu'elle est liée à l'amour de la voix des mécréants parmi ceux qui n'ont pas adhéré au message de l'islam. Et il y a un deuxième type d'alliance qui cette fois-ci est relatif aux échanges de la vie de tous les jours. Le commerce par exemple, les transactions commerciales, les échanges par exemple entre pays, entre États, entre gouvernements, les relations diplomatiques, et ainsi de suite parmi ce qui est relatif uniquement à la vie de tous les jours et qui n'implique en rien que la personne elle est dans le cœur de l'amour pour la voie que suivent ces mécréants-là et pour le dogme qu'ils ont. Et ce type d'alliance-là ne fait en rien sortir de la religion. Il ne fait en rien sortir de la religion. Et il est important de faire la distinction entre ces deux points-là, afin de ne pas considérer que certaines personnes sortent de l'islam du simple fait qu'elles aient entretenu des relations relatives à la vie de tous les jours avec des non-musulmans. Et il n'y a pas de mal, à ce moment-là, à être avenant envers ces gens-là, à leur présenter l'islam de la meilleure des manières, à faire preuve d'une certaine douceur vis-à-vis d'eux, afin de leur montrer la beauté de l'islam et de les appeler, à l'islam. Étant donné que les mécréants sont de deux sortes, et ça c'est important de le connaître également. Il y a ceux qui sont hostiles à la religion et aux musulmans, et qui en plus de cela montrent leur hostilité et combattent ouvertement la religion. À ce moment-là, avec ce genre de personnes-là, il convient d'être ferme. Mais il y a également une autre catégorie de mécréants qui sont pacifistes et qui ne sont pas forcément hostiles à la religion et qui ne montrent pas d'hostilité vis-à-vis de l'islam et des musulmans. Et avec ces gens-là, donc, il convient d'être avenant, d'être courtois, d'adopter de bonnes manières. Et cette distinction-là, elle est présente dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, notamment dans la sourate Al-Mumtahana, dans les versets 8 et 9, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. الله ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassé de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont véritablement les injustes. Cette distinction-là est donc importante à faire afin que tu ne tombes pas dans la confusion concernant cela. Donc, fais bien la distinction entre les différents types d'alliances, celle qui est liée à la religion et celle qui est liée à la vie de tous les jours. Et également, fais bien la distinction entre les différentes catégories de mécréants, ceux qui sont hostiles à la religion et qui montrent ouvertement cette hostilité-là, et ceux qui sont pacifistes. Et le comportement ne sera pas le même. Le comportement ne sera pas le même selon que tu aies en face de toi une personne qui fasse partie de telle ou telle catégorie. Ce sujet, donc, il est important de le connaître, de l'étudier, surtout à notre époque. Car beaucoup de gens parlent au nom du principe de Al-Wala ou Al-Bara, l'alliance et le désaveu, soit en exagérant dans l'alliance et en s'alliant en des gens qu'il ne convient pas de s'allier, soit en exagérant dans le désaveu, en se désavouant de personnes de qui ils ne doivent pas se désavouer, ou en se désavouant d'une manière qui n'est pas légiférée. Et que sous prétexte, par exemple, que l'on doit se désavouer des mécréants, tu trouves que certaines personnes sont injustes envers eux, en les spoliant de leurs biens, en portant atteinte à leur intégrité physique, parfois donc en commettant des attentats ou en semant le trouble, et ainsi de suite. Il y a donc une mauvaise compréhension à ce niveau-là chez certaines personnes se réclamant de l'islam, qui, au nom de ce noble principe fondamental, commettent des actes qui sont étrangers à l'islam. Il convient donc d'être dans une voie de juste milieu. Dans une voie de juste milieu. Ni dans l'exagération, ni dans le laxisme. Et malheureusement, nous trouvons parmi ceux qui se réclament de l'islam des gens qui sont tombés soit dans l'exagération, soit dans le laxisme. Dans le laxisme, par exemple, tu trouveras, après avoir parlé de l'exagération, blâmable, et toute exagération l'est, on peut parler également du laxisme. Et il faut savoir que de nombreux groupes existent actuellement se réclamant de l'islam, dont les fondateurs sont en contradiction avec tout ou partie des points que nous avons mentionnés, les trois points que nous avons mentionnés. Le suivi du messager, l'obéissance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'alliance et le désaveu. Tu en trouveras donc parmi ces groupes-là, dont les fondateurs accusent d'énormes lacunes et défaillances dans ces points-là qui sont pourtant des points fondamentaux de l'islam et qui constituent donc les bases des bases de l'islam. Et tu trouveras certains de ces groupes dont les fondateurs sont tombés dans le polythéisme, commettaient des actes de polythéisme et ce sont des groupes que j'aborde ici étant donné qu'ils sont présents à notre époque. Et comme le disent les ulama, on sait qu'ils ne sont pas amenés à perdurer. et qu'en vérité, même s'ils remuent beaucoup, ils sont voués au déclin. Mais cela ne signifie pas que l'on ne doit pas en parler afin de contribuer justement à ce que ces groupes-là qui sont étrangers à la sunna disparaissent. Parmi ces groupes-là, donc, tu trouves des mouvements politiques et tu en trouves d'autres qui, en apparence, sont des groupes de prédication en islam. Et quand tu analyses le passé de ces groupes-là, tu te rends compte qu'en vérité, ils avaient d'énormes défaillances dans les points que nous avons cités, notamment la base des bases, à savoir le tawhid. Tu trouves certains d'entre eux qui étaient dans le recueillement auprès des tombes. D'autres qui participaient à des manifestations innovées, notamment donc les manifestations et des événements sont empreintes donc de soufisme, avec tout ce que cela peut comprendre comme polythéisme et comme innovation réprouvée et divers actes d'hérésie. Et tu trouves actuellement des gens qui suivent ces groupes-là. Et lorsque tu parles à ces gens-là, ils te disent « Mais moi je n'ai rien à voir avec eux. Le fait qu'un tel et un tel, parmi les fondateurs de ces groupes, ou parmi ceux qui ont contribué à sa propagation, il ait fait du polythéisme, ça ne me concerne pas. Moi je m'affilie à eux afin de faire avancer l'islam. Mais je ne suis pas comme eux. Et si jamais ils ont fait du polythéisme comme tu le prétends, eh bien moi je m'en désavoue. » Mais ils continuent à s'affilier à ces groupes-là. Et c'est là le danger. Car si on admettait, je dis bien si on admettait, que ces suiveurs-là sont au point concernant le suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils ne font pas d'innovation comme ont pu le faire les fondateurs du groupe qu'ils suivent, et qu'ils sont au point concernant le tawhid et qu'ils ne commettent pas de polythéisme comme on peut le faire les fondateurs du groupe auquel ils s'affinient et duquel ils se réclament, où en sont-ils du troisième point que nous avons vu ici, à savoir l'alliance et le désaveu? Si tu es en désaccord avec ces gens-là dans ces bases de la religion, comment se fait-il que tu continues à t'allier à eux, à t'affilier à ces groupes-là? C'est bien qu'il y a un problème. C'est bien qu'il y a un problème quelque part. Et ce genre d'agissement-là est en contradiction avec les enseignements coraniques, ainsi qu'avec les enseignements prophétiques, de même qu'avec la compréhension des pieux prédécesseurs de cette communauté. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans sourate Hud, le verset numéro 13, « Wa la tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakum an-nar » Ne penchez pas vers ceux qui font preuve d'injustice, car le feu vous atteindrait. Et il a également dit, subhanahu wa ta'ala, dans sourate An-Nisa, dans le verset numéro 140, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. Dans le livre, il vous a été révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'enraille, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Et également dans d'autres versets, notamment celui de la sourate Al-An'am, le verset numéro 68, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانِ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Quand tu vois ceux qui patogent dans des discussions à propos de nos versets, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils entament une autre discussion. Et si le diable te fait oublier, alors dès que tu te rappelles, ne reste pas avec les injustes. Et quelle pire injustice que le fait d'être baigné dans le polythéisme, Luqman n'a-t-il pas dit à son fils, alors qu'il l'exhortait, Ya Bunay, la tushrik billah, inna shirka la zulmun azim. Ô mon enfant, n'associe rien à Allah, car certes l'association est une injustice énorme. Il convient donc que tu t'écartes et que tu te désavoues, que tu te désolidarises de ce genre de personnes-là qui sont dans le shirk, le polythéisme. Al-Bukhari et Muslim ont rapporté, d'après Aïcha radiallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité les versets du début de sourate Ali Imran. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. C'est lui qui a fait détendre sur toi le livre. S'y trouvent des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres versets qui peuvent prêter à d'interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclination vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir récité ces versets, ce verset il a dit à Aïcha radiallahu anha, lorsque tu vois ceux-là qui suivent ce qui est équivoque, alors sache que ce sont eux qu'Allah a nommés, sois donc sur tes gardes et méfiante vis-à-vis d'eux. Tu te dois donc de te désavouer de ces gens-là et de t'en écarter. Et il faut savoir que, comme le disait Ibn Mas'ud, l'individu ne marche en réalité, ni ne fréquente, que celui qui est comme lui. Et Al-Awza'i, rahimahullah ta'ala, disait, celui qui nous cache son innovation, il ne nous cachera pas sa fréquentation. Et lorsque l'imam Abu Daoud a questionné son professeur, l'imam des gens de la sunna, Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala, en lui disant, vois-tu, si je vois une personne qui fait partie de la sunna en train de parler à un innovateur, est-ce que je dois le boycotter et m'abstenir de lui parler également? Il a dit non, plutôt, informe-le du fait que cette personne-là est un innovateur. Si jamais il s'abstient de lui parler, alors toi continue à le fréquenter. Mais s'il continue à le fréquenter, alors toi délaisse-le. Il en est de même donc concernant ces gens-là qui continuent à s'affilier, à suivre, à fréquenter, à côtoyer, à collaborer avec ces groupes innovés que nous trouvons donc à l'heure actuelle. Il convient donc, si jamais ils ne s'en désavouent pas ouvertement, de les considérer comme eux. Et c'est dans ce sens-là qu'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit, celui qui a une bonne opinion d'eux, donc il vise les innovateurs de manière générale, étant donné que les groupes que je vise ici, parmi eux les frères musulmans, et également donc le groupe d'établir, n'existait pas à son époque, mais les innovateurs de manière générale. Celui qui a une bonne opinion d'eux, en prétendant ne pas les connaître, ne pas connaître l'état de leur situation, il convient de le mettre au courant de la réalité de leur situation. Puis, s'il ne se sépare pas clairement d'eux, et ne fait pas apparaître qu'il les réprouve, alors il sera considéré comme eux. Et nous pouvons même rajouter à cela que celui qui s'assoit et fréquente ce genre de personnes-là en laissant apparaître qu'il fait partie de la sunna, il est pire qu'eux et plus dangereux au final. Pourquoi? Car comme le disait Ibn Aoun, rahimahullah ta'ala, celui qui s'assoit avec les gens de l'innovation, il vise par là celui qui se réclame en apparence de la sunna mais qui s'assoit avec les gens de l'innovation. Celui qui s'assoit avec les gens de l'innovation, il est plus dangereux pour nous que les gens de l'innovation eux-mêmes. Pourquoi il a dit ça, Ibn Aoun, rahimahullah ta'ala? Il a dit cela étant donné qu'à cause de cela, la confusion va régner. dans la tête et l'esprit des gens. Ils vont dire, regarde un tel, on nous l'a critiqué, on nous a dit, un tel c'est un innovateur. Mais un tel qui fait partie des gens de la sunna, il s'assoit avec lui, il le côtoie, il le fréquente. Donc il va être une source de trouble, de confusion dans l'esprit des gens. Et c'est dans ce sens-là donc qu'il est plus dangereux que l'adepte de l'innovation lui-même. Et cela donc nous mène à parler de l'existence de courants actuellement dont les acteurs qui contribuent donc à la propagation et à la diffusion de ces courants-là laissent apparaître la sunna. Mais cherchent en vérité à établir des passerelles entre les gens de la sunna et les innovateurs, voire avec les non-musulmans. D'une part. Et d'une autre part, en étant virulent envers les gens de la sunna. Donc d'une part, tu les trouves qu'ils cherchent à établir des ponts, des passerelles, donc entre les gens de la sunna et les gens de l'innovation, donc ils veulent combler le fossé qu'il y a et qu'il doit y avoir tant que les gens de l'innovation ne se sont pas repentis. Ils cherchent donc à combler ce fossé-là et à établir des passerelles et des connexions avec les groupes innovés, en étant donc virulents envers les gens de la sunna. Et d'autre part, en instaurant des règles permettant de minimiser, voire réduire à néant, le danger des innovateurs. Parmi ça, tu trouves la règle qui est connue et qui est prônée par les frères musulmans, qui s'appelle donc la règle de l'excuse et de l'entraide. Ils disent, nous nous entraidons dans ce sur quoi nous sommes d'accord et nous nous excusons les uns les autres dans ce sur quoi nous sommes en désaccord. Et ils visent par là, avec ces paroles qui en apparence sont de belles paroles, ils visent par là le fait de s'excuser dans les bases même, dans les erreurs qui sont liées, qui sont relatives aux bases de la religion. Le résultat de cela, c'est que tu les retrouves en train de côtoyer, de fréquenter, de collaborer avec des innovateurs. Voire même avec les pires d'entre eux, les Rawafid, qui insultent Abu Bakr, qui insultent Omar, qui insultent Uthman, et plus que ça, qui les considèrent comme étant sortis de l'islam et comme ayant apostasie après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui accusent la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, d'avoir accompli l'acte réprouvé et qui porte donc atteinte à l'honneur de Aïcha radiallahu anha. Et comme l'ont dit les savants, pourquoi se sont-ils attaqués à la majorité ou à la quasi-totalité des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parmi eux, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Aïcha radiallahu anha. Et car ils ont voulu en vérité s'attaquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam du fait de leur hypocrisie. Et ils se sont rendus compte qu'il occupait une telle place dans le cœur des gens qu'ils ne pouvaient pas l'atteindre. Et ils ont donc commencé à s'attaquer à son entourage afin que dans l'esprit des gens, il soit dit, si le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un tel entourage mauvais, alors ça prouverait qu'Allah nous préserve de ce genre de pensée-là. Alors cela veut dire que lui aussi, il est comme eux. Et c'est dans ce but-là donc qu'ils se sont attaqués aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces groupes-là donc, qui prônent l'entraide avec ces groupes innovés, notamment donc avec les Rawafid, et qui appellent à les excuser des propos qu'ils tiennent, tu trouves donc qu'ils se basent sur cette règle-là et qu'au final donc ils collaborent avec eux. Également parmi les règles qu'ils ont instaurées et qui est au final une des ramifications de cette première règle-là, la méthodologie de la compensation, en disant, lorsque tu parles d'un innovateur et que tu veux mettre en garde contre son mal, car pour eux tu ne dois pas parler des innovateurs, tu dois juste parler de leur innovation, selon eux. Ils disent, si tu parles donc Tu en viens à parler de l'innovateur. En plus de citer son mal, il faut que tu sois juste. Et il faut que tu mentionnes également le bien qu'il a fait. Méthodologie qui est complètement en opposition avec les enseignements coraniques, avec les enseignements prophétiques et la compréhension qu'en ont eu les pieux prédécesseurs de cette communauté. Comme le disaient certains d'entre eux, il fait partie de la punition de l'innovateur que ne soient pas citées ses bonnes actions. Et les ulama ont dit, et la bonne action que toi tu considères comme être une bonne action, qui te dit qu'en réalité c'est une bonne action? Et c'est insensé le fait que tu mettes en garde quelqu'un et qu'ensuite tu viennes citer les bonnes actions de la personne contre qui tu mets en garde. Comment tu veux que la personne soit sur ses gardes et méfiante vis-à-vis d'un tel parmi les innovateurs si toi tu viens et tu lui cites également ses bons côtés? Cela n'est pas en accord avec les enseignements du Coran, ni de la Sunna, ni en accord avec la compréhension des pieux prédécesseurs, as-salaf as-salih, de cette communauté. Et il y a également d'autres règles qu'ils ont instaurées, qu'ils ont innovées, inventées de toutes pièces, afin de défendre les innovateurs et les gens de l'innovation. Quelle est donc la solution à tout cela? Quelle est donc la solution pour que cette communauté retrouve sa puissance? Il convient, pour que tu connaisses la solution à ce problème-là, il convient que tu reviennes aux enseignements et aux instructions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a défini à la fois le problème et il a déterminé la maladie. Et il a également informé à propos de la solution et il a déterminé ce que c'est le remède à la maladie. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, comme cela a été rapporté d'Ibn Omar, par la lagré, ainsi que son père, il a dit, lorsque vous aurez recours à Al-Ina, c'est une forme de commerce usuraire, et donc interdit. Et que vous suivrez donc les queues des vaches. Et que vous vous contenterez des plantations. Et que vous délaisserez le fait de lutter pour la cause d'Allah. Allah vous fera subir une humiliation qu'il notera de vous jusqu'à ce que vous reveniez à votre religion. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'avons entendu précédemment, et comme vous allez le voir, incha'Allah, avec le frère Zayd, hafidhahullahu ta'ala, il a annoncé qu'il y allait avoir beaucoup de divergences. Dans le hadith al-Irbad ibn Sariyah, cette divergence-là, c'est la divergence blâmable, la divergence qui est liée aux bases de la religion, dans lesquelles il n'est pas permis de diverger. Il a annoncé cela. Puis il a annoncé la solution et le remède. Il a dit donc, accrochez-vous donc à ma sunna et à la sunna des califes bien guidés après moi. Accrochez-vous-y et mordez-y à pleines dents. Et méfiez-vous de toute chose nouvellement inventée, car toute chose nouvellement inventée est une innovation et toute innovation est un égarement et tout égarement mène en enfer. Donc tu te dois donc de t'accrocher à la sunna et c'est là le sens du fait de retourner à la religion. Et également tu retrouves cela dans le hadith d'Ibn Mas'ud, le hadith du trait qu'on a cité précédemment, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé un long trait par terre et de part et d'autre de ce long trait, donc des petits traits, en disant ceci c'est la voie d'Allah, et de part et d'autre des petits sentiers, et à la tête de chacun de ces sentiers là un diable qui y appelle. Puis il a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Et ceci est ma voie dans toute sa rectitude, suivez-la donc et ne suivez pas les sentiers qui s'en écartent, car il vous éloignerait de sa voie. Tu te dois donc de t'accrocher à cela afin de concrétiser les différents points qu'on a pu aborder et les différents points fondamentaux de la religion et d'être épargné de tout ce qui peut les contredire, d'être épargné de l'innovation humiliante, qu'Allah nous en préserve. Et on s'arrêtera ici pour aujourd'hui. والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين